Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. El Hadji Alpha Madiou Touré, 28 ans, a été inculpé de meurtre. La police précise. C'est un Français. Soit un Français, il y a de fortes chances que ce soit un Français. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances que ce soit un Français qu'un Sénégalais. Mais on pointe aussi du doigt la possibilité que ce soit un Sénégalais. Voilà. Ah. Ouais. Enfin, je sais pas de quelle origine est la fille. Bah, je sais pas. Moi, je me suis posé la question. Meyer Habib, tu vois. Je fais des rapprochements un petit peu comme ça, assez rapides. Peut-être est-elle d'un peuple qui est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Ben. Je sais pas. Mais en tout cas, écoute, elle se plaignait du fait que les victimes étaient très souvent des nègres, des négresses. Victime d'un nègre, et puis victime. Elle sera plus victime. Non, c'est fini. Écoute, bravo, mademoiselle Meyel. Merci pour ta contribution. Là, t'imagines ces derniers moments, quoi. Elle a dû leur dire Mais Mamadou. Enfin, non, je sais pas comment vous avez dit qu'il s'appelle. El Hadji Alpha Madiou Touré. C'est long. C'est Alpha. Ouais, Alpha. El Hadji Alpha Madiou, là. T'imagines, non, mais fais pas ça, tu vas leur donner raison aux racistes. Lui, il a dit, la carte, le numéro. Le plus navrant dans cette histoire-là, c'est que les contribuables américains vont devoir payer... 30 ans de réclusion, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, ils vont devoir payer la pension complète de ce nègre Touré. Hein. Alors moi, j'ai une solution, messieurs, vous voyez. Alors, ça va mettre tout le monde d'accord. Déjà, moi, je pense que, pour des raisons psychologiques diverses et variées, le fait d'avoir les détenus problématiques sur le territoire métropolitain est un problème, voilà. Et quand on va parler de la Guyane, eh ben, je me sens tout à fait fondé à évoquer l'option guyanaise, voilà. Donc de créer un grand centre, ou plusieurs entités, en Guyane, au cœur de la jungle, de détention pour ces gens-là. Et effectivement, on pourrait dire que, voilà, comme c'est inhumain d'exécuter quelqu'un, on va dire, bon, voilà, on va pas le faire, mais à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on met les travaux forcés avec, un bol de soupe par jour, et puis on voit ce qui se passe au bout de quelques mois, voilà. Écoute, moi, je suis libéral, si tu veux, je les mettrais dans un vieux bateau à la frontière des eaux territoriales algériennes ou tunisiennes, avec une frégate, bien entendu, derrière, et puis en leur disant bien que si d'ici une heure, ils sont pas rentrés dans les eaux territoriales tunisiennes, leur bateau va couler. Non. La Guyane, les qu'enfermer, le travail, la rééducation par le travail, le débroussaillage, il n'y a que ça de vrai. Non, mais écoute, attendez deux secondes, Derek, je vais vous mettre d'accord. Ouais. C'est-à-dire que pour les binationaux ou ceux qui n'ont que la nationalité algérienne ou tunisienne ou marocaine, tu les renvoies, tu fais la solution d'Eric, et pour ceux qui n'ont pas la solution, qui n'ont pas de nationalité algérienne, tunisienne, marocaine, pas du tout, même pas binationaux, bah, ceux-là, tu fais la solution pour pas te mettre en porte-à-faux sur le plan diplomatique, tu fais la solution Gandalf. À la rigueur, tu fais un camp de travail gigantesque en plein cœur de la jungle, où tu fais. C'est très bien. Quoi. Et puis en plus, on va s'occuper des animaux. Même faire un zoo, les faire travailler avec les lions, comme ça, de temps en temps, il y a un accident. Franchement, en plus, les Noirs, ils ont un truc avec les animaux, vous voyez. C'est un petit truc, vous voyez, donc ils vont s'entendre. Non, mais les migales surtout, vous voyez. Puis alors les migales, moi j'adore ça, j'aime beaucoup les migales. Enfin, on verra bien ce que ça donnera, on leur foutra des migales dans leur plumard. Et en plus, pour s'échapper, Et vous croyez, il faudrait même pousser le vice, parce que vous voyez, il faudrait un peu l'imagination, ça fait partie du truc. Hein. On met même pas de barbelés autour, vous voyez. On laisse les mecs libres de se tirer, sauf qu'ils doivent se taper 500 km de jungle à se faire bouffer par les crocodiles et les serpents. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, s'ils en sortent, tu sais que plus ou moins, ils en sortiront forcément supérieurs, quoi. Ils ne seront plus les mêmes, quoi, tu vois. Bah, c'est-à-dire, si on les gaule, on les rebalance au milieu de la jungle. Non, mais c'est ça, c'est la voie de la réintégration, tu sais, c'est-à-dire, voilà, pour vous réinsérer, en fait, pour faire de vous des hommes, il faut que vous traversiez la jungle, quoi. Ouais. Ah ouais. Rappelez-vous, ces deux experts suédois de l'ONU, exécutés au Congo-Kinshasa, dont c'était un couple, et la fille, enfin la jeune femme, a été violée. Ça, ce n'est pas précisé par la presse. Et elle a été enfin décapitée, quoi. Donc, quelque part, les gauchistes... Il faut préciser ce que tu dis. Hein. Donc, en fait, ce sont deux Blancs et leur traductrice congolaise qui ont été massacrés au Congo. Ils étaient en mission pour l'ONU par rapport à une enquête sur des crimes, etc. Alors, c'est une très bonne idée, hein. D'aller au Congo enquêter sur des crimes contre le gouvernement. C'est une excellente idée. Je recommande à tout le monde de le faire. Vraiment. Hein. C'est avec une caméra HD si possible. Ça va marcher, ça. Et alors, les deux gogos, là, la nénette, c'était une Suédoise du parti écologiste. Ne riez pas, hein, c'est authentique. Hein. Et donc, l'écolo-gauchiste dégueulasse, la blondasse qui faisait le reste du temps, tout le reste de sa vie, avait importé des bamboulas dans son pays, a décidé d'aller au Congo pour expliquer ce que c'était la démocratie aux nègres du Congo. Alors évidemment, les Congolais, je vous fais pas un dessin, hein, voilà. Ils ont vu la rombière débarrouler avec le gazier, ils ont dit très très bien, voilà, on va régler ça à l'ancienne. Bah, ça a été réglé à l'ancienne. Décapitation, bon, on n'en saura pas plus, mais je présume qu'il s'est passé des choses entre-temps. Tout ça dans un trou, et voilà. Alors, les gauchistes, une nouvelle fois, rattrapés par le réel, des jeunes réfugiés tombent dans un étrange coma. Alors, vous allez voir que ça fait totalement phase avec cette histoire d'autisme radical. Je vous lis l'article qui est paru dans Paris Match, hein. C'est pas une invention de ma part. Et ça se passe en Suède, décidément, la Suède, foyer des miracles parmi les foyers des miracles. Hein. Alors, voilà, mystère en Suède. Depuis le début des années 2000, des centaines de jeunes réfugiés, entre guillemets, sont tombés dans un état proche du coma après avoir appris que leur famille allait être expulsée. Vous devez quitter la Suède. Ce message reçu en décembre 2015 fut un véritable coup de massue pour Georgi, jeune réfugié d'origine russe. Arrivé avec sa famille en Suède lorsqu'il avait 5 ans. Après plusieurs demandes d'asile refusées, le verdict devient nettement plus réel. Leur expulsion est prévue pour le mois d'avril 2016. Le journal The New Yorker raconte que ce qui suivit cette mauvaise nouvelle est le ressenti du jeune réfugié âgé de 13 ans. Attends. Georgi lut la lettre silencieusement, la laissa tomber sur le sol, monta dans sa chambre et se coucha sur son lit. Il déclara avoir l'impression que son corps se liquéfiait. Ses membres semblaient mous et poreux. Tout ce qu'il voulait faire, c'était fermer ses yeux. Rien qu'avaler exigeait un effort qu'il ne pouvait rassembler. Il sentit une profonde pression dans son cerveau et dans les oreilles. Il se tourna vers le mur et le frappa avec son poing. S'ensuivent plusieurs jours pendant lesquels Georgi ne bouge pas, ne mange pas, ne parle pas. Il semble plongé dans un étrange coma, inconscient, tout en ayant ses réflexes intacts et son pouls normal. Ce que subit cet adolescent, des centaines d'autres jeunes réfugiés l'ont vécu en Suède depuis le début des années 2000. Les médecins évoquent un syndrome de résignation. Une maladie qui existerait uniquement dans ce pays scandinave, uniquement en Suède, hein, vous m'entendez bien. Hein, c'est vraiment étrange. Hein. Attendez, chez les réfugiés, je cite, « Les patients n'ont aucune maladie physique ou neurologique sous-jacente, mais ils semblent avoir perdu la volonté de vivre », écrit le journaliste. Selon le médecin de Géorgie, ce coma est une forme de protection, les comparant à Blanche-Neige. Ah, tiens. Alors j'enchaîne. En 2005, on comptait déjà plus de 400 enfants atteints de ce syndrome. Presque tous ces enfants sont sans tonus, pas réactifs aux stimuli extérieurs ou à la douleur. Âgés de 8 à 15 ans, viennent de l'ex-URSS ou de l'ex-Yougoslavie. Certains d'entre eux ont même été expulsés malgré leur état alarmant. Une situation qui ne se produit plus depuis 2005. Après de vagues protestations et une pétition signée par 160 000 citoyens, le gouvernement suédois a interdit l'expulsion forcée de ces enfants apathiques. Oh. Attendez, mais c'est pas fini, vous allez voir, c'est la conclusion est extraordinaire. Alors... ces réfugiés ne sont pas les premiers à connaître de tels phénomènes mystérieux. Des réfugiés laotiens en bonne santé pleuraient dans leur lit et ne se réveillaient pas. Ceci s'est produit dans les années 80 aux États-Unis. Donc je vous passe les détails. Et on en vient au traitement. Dans un manuel publié en 2013, un comité officiel de médecins explique que le traitement le plus efficace pour guérir les enfants apathiques est l'obtention de l'asile. Si le garçon... Ah si le garçon... Si le garçon obtient la sécurité de pouvoir vivre dans son pays d'accueil, le pronostic est bon et il pourra aller mieux au bout d'un an. Mais il n'a aucun sentiment de sécurité, s'il n'a aucun sentiment de sécurité, il ne se réveillera pas, peu importe le pays où il se trouve. Voilà. Alors, donc en fait, le traitement, les gars, c'est si un migrant fait un malaise, la seule façon de le guérir, c'est de lui filer les papiers. Là, on va parler de la justice. C'est-à-dire que les gauchistes nous parlent sans arrêt de la justice, la justice, la justice. Mais la véritable justice, c'est l'équité. Et en réalité, le système suédois ou le système à la française où tu accueilles tout le monde jusqu'à un certain nombre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de quota qualitatif, mais un quota quantitatif, il n'y a rien de plus injuste. Parce qu'à un moment donné, ça tombe sur un énième négro qui ressemble exactement, il a exactement le même diamètre de narine, exactement tout pareil que celui qui vient de passer avant lui. Et lui, d'un seul coup, on lui dit non, toi, tu rentres chez toi. Et là, rentrer chez lui, c'est bon, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est les mouches qui collent aux yeux, c'est les pirates de partout, les islamistes de partout, c'est vraiment c'est aussi eux qui font que ces pays sont comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on comprend qu'individuellement, lui, il n'a pas envie d'y retourner, quoi. Et il a vu tous les autres avant lui passer, quoi. Et là, c'est un drame pour sa famille qui a investi et tout ça. Enfin bref, passons. Ce que je veux dire par là, c'est que la véritable justice, la véritable équité, c'est de tous les refuser. Parce que là, il n'y a pas de... Parce que finalement, ce qui est dramatique pour quelqu'un, c'est le sentiment d'injustice. Il n'y a rien qui brise plus le cœur, qui brise plus un être, que de sentir qu'une injustice a été commise sur lui, quoi. Et à un moment donné, quand un truc comme ça, il faut le dire, l'équité est beaucoup plus du côté des gens qui fixent des règles très claires. Personne vient, pas d'appel d'air. Pas d'inéquité, vous êtes tous des Noirs africains destinés à vous battre sur votre territoire et nous, on vous ment pas, on vous vend aucun Eldorado, ne venez pas. Et là, la justice est réelle. Dans leur système à la con de gauchiste de merde, il n'y a aucune justice, absolument aucune. Il n'y a rien de plus injuste. Moi, je comprends que le mec, il a envie de se tirer une balle, hein, quand il se fait refuser les papiers, quoi. Il ne comprend pas, quoi. On lui a dit que c'était tout, on les donnait à tout le monde, d'un seul coup, on les lui refuse à lui. Moi, je comprends que c'est ultra choquant, quoi. Bon, sujet numéro 3, chers amis. C'est pas mal aussi, dans son genre. Ça concerne encore la Suède, mais c'est pas de mon fait. Hein. C'est juste l'actualité qui le veut, quoi. La négresse à la tête du parti féministe de Suède refuse l'expulsion des criminels étrangers car les Suédois blancs ne le sont pas. Eh oui. Ce week-end, l'initiative féministe a tenu son congrès annuel à Västerås, je ne connais pas la ville. Ses espoirs sont grands de pouvoir entrer au Parlement l'année prochaine, où le parti pousserait, entre autres choses, pour une immigration illimitée. Immigration illimitée. Pendant le congrès, l'Ougandaise Victoria Kawesa a été élue à la tête du parti. Une première pour une femme noire en Suède. Maintenant, elle demande pourquoi les criminels devraient être expulsés de Suède, donc en gros, si vous êtes un étranger, pourquoi devriez-vous être expulsé, si les Suédois blancs ne le sont pas. L'IF, donc l'initiative féministe, veut réduire les dépenses de défense, donc de la Suède, afin qu'elle accepte une plus grande immigration. Il y a un lien budgétaire. Hein. Si vous ne l'avez pas établi, eux l'ont établi. Le parti veut également qu'un ressortissant étranger ayant commis des crimes en Suède ne soit pas condamné à l'expulsion, peu importe la gravité des faits. Donc, peu importe, vous êtes un étranger, vous venez de l'Afghanistan, vous avez tué une famille entière à l'arme blanche, on ne peut pas vous expulser, vous restez en Suède à vie. Donc, elle a été interrogée sur cette question, je vous donne quand même sa réponse. C'est un journaliste hein, qui l'interroge. Alors, les meurtriers et violeurs qui seraient renvoyés dans leur pays d'origine pourraient rester en Suède. Hein. C'est un journaliste de la radio suédoise qui demande ça à l'Ougandaise nouvelle présidente. Voici ce qu'elle répond. Oui, mais les Suédois blancs qui sont emprisonnés pour des crimes graves ne sont pas expulsés. Donc pourquoi expulser les autres? Alors, si vous avez envie de regarder la tête de cette négresse abominable en provenance de l'Ouganda, elle est immonde, hein, dégueulasse. Hein, une négresse parmi une des plus... Enfin, j'ai vu beaucoup de négresses très très laides. Celle-là, en fait, elle fait peur. En fait, elle est terrifiante à sa façon. Donc voilà, la Suède, toujours le nec plus ultra de la démocratie. Bah écoute, de toute façon, la Suède, c'est simple. C'est le laboratoire de ceux qui veulent détruire la race blanche. Là-bas, tout, que ce soit l'immigration de masse, que ce soit le féminisme absurde, que ce soit, tout est mis en place pour les niquer. Mais toute agression, tu sais, implique une réaction, toute action implique sa réaction, quoi. Et tout mouvement a son mouvement inverse, parce que la vie, c'est un jeu à somme nulle. Donc, ce qu'il faut pas mépriser, parce que moi, je connais vraiment bien la Suède, et pour le coup, j'ai des connaissances en Suède qui sont, proche de, enfin pas exactement pareil que nous, c'est-à-dire connecté à la sphère nationaliste américaine et tout ça. Et la race suédoise a encore quelques éléments dignes de ce nom. Hein. Et c'est des éléments avec une grosse capacité de travail, une grosse capacité d'abnégation, une grosse froideur. Des cerveaux bien faits, tout qui est bien fait, tout qui est fait pour aller au combat et pour mener ce combat pour sauver l'Europe. Hein. Donc évidemment, la Suède, de notre point de vue extérieur, est en train de crever, c'est manifeste, mais c'est un peu comme la France, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elle est en train de crever, elle est aussi en train de créer l'avant-garde sur le plan de la résistance, parce que la France, que ce soit sur le plan de la résistance du système, enfin au sein du système, c'est-à-dire la résistance souverainiste, machin, bon bah on a Marine Le Pen, puis sur le plan de la véritable, enfin de la résistance nationaliste plus brute, on est aussi à la pointe en France sur Internet et tout ça, de même que les États-Unis sont à la pointe. Et la Suède, c'est pareil, ils sont pas inactifs. Ils ont, je vous dis, toute action enchaîne une réaction, quoi. Alors moi, ce que je veux dire, là, j'ai envie d'intervenir sur la question de la démocratie, parce que finalement, on est au cœur du sujet là. Alors pour moi, je pense que clairement. Ces masses de nègres et de bougnoules sont des masses grégaires. Et de toute façon, peu importe, on peut penser ce qu'on veut de la démocratie, d'accord. Bon. Mais il y a une chose qui est très claire en démocratie, c'est que tu dois avoir un QI à trois chiffres, parce que tu dois avoir un sens des responsabilités minimal, on s'entend, minimal. Bon, évidemment, il y a la connerie des masses, etc., la force... propre masse qui tend à tirer vers le bas la totalité du peuple, c'est évident, il y a un effet de gravité en quelque sorte, quoi, un phénomène de loi de gravité, mais avec ces nègres et avec ces bougnoules, chez eux, déjà la notion de d'individualité n'existe pas, ça n'existe pas, il y a juste un groupe, une masse grégaire, où tout le monde singe tout le monde, où tout le monde mime tout le monde. Et donc les comportements sont... Puis il y a un phénomène aussi de tribu, vous voyez, un phénomène de haine tribale absolument hallucinant. Et les nègres, c'est très présent chez eux. Et comment dirais-je, leur donner, je veux dire, le droit de vote, c'est se suicider, point c'est tout. et la démocratie va crever, non pas du fascisme, non pas d'un coup d'État révolutionnaire, réactionnaire, etc. Ça, c'est ce que croient les branleurs de gauche, ou les branleurs démocrates de toute nature. Ça va crever des vieilles réalités raciales. C'est ça qui va se passer, point, c'est tout. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2, 1 nègre plus 1 nègre égale 2, et quand on te dit qu'un nègre avec 75 de QI plus un autre nègre de 75 de QI vaut deux blancs qui ont, je ne sais pas, allez, je suis gentil, 100 et 100, ça fait 200, tu te suicides, c'est fini. Et en réalité, la démocratie, par exemple la démocratie grecque, athénienne, était toujours une démocratie qualitative, exigeante, méritocratique, une démocratie de la compétition, une démocratie au moins qui essayait dans une certaine mesure, ça ne veut pas qu'elle n'avait pas les travers de la démocratie actuelle, mais disons qu'il y avait quand même l'idée d'être réaliste et d'essayer d'avoir le réel au cœur du système, dans une certaine mesure, je veux dire. Par contre, aujourd'hui, c'est vraiment la démocratie, entre guillemets, de la masse. Donc c'est le socialisme, ce qu'on peut appeler le socialisme d'une certaine façon, mais qui est fortement aggravé par sa dimension raciale. Parce que quand on a un socialisme entre blancs, c'est une chose, mais quand on a un socialisme avec des nègres, vous avez, bah, pour le coup, le phénomène de gravité qui joue à plein, et vous êtes irrémédiablement tiré vers le bas, ou encore davantage tiré par le bas, par ces réalités, et le nombre, plus la médiocrité, vous submerge. Et c'est là que je dis, c'est mon sentiment, c'est que la France et l'Europe ne va pas se sauver par la démocratie, mais va crever par la démocratie si ça continue. Le truc, c'est que faut être très, très simple, il faut partir de la culture. Quand on parle d'Européens, les Européens ont un très fort sens de l'individualité. C'est une réalité qui s'impose à tous. C'est ce qui a fait la grandeur de l'Europe, ce qui fait la grandeur de la culture occidentale, au niveau des arts, etc. Depuis l'Antiquité, c'est pas d'aujourd'hui, même avant. On le voit. Pourquoi ? Bah pour faire un grand artiste, il faut une âme qui soit particulièrement sensible. Il faut quelqu'un qui ait les sens en éveil, qui ait aussi, je pense, la capacité à souffrir. Aussi, d'une certaine façon, et avoir conscience de sa souffrance, mais qui puisse la sublimer aussi en même temps. Et ça, l'homme européen a pu le faire. Il a pu le faire, peu importe les nationalités. Évidemment, en France, en Allemagne, la Belgique aussi, en Flandre, et dans d'autres endroits, l'Italie, évidemment, l'Italie, qui est un grand berceau de la civilisation européenne. Mais, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas s'aveugler, parce que si on dit que nous qui avons une sensibilité très individuelle, très personnelle ou très personnaliste, et qu'on crée un modèle politique où la personne a une grande place, et qu'on fait venir des tribus entières de sauvages, de nègres, fanatisés, notamment les musulmans, ces gens-là, qui n'ont pas de conscience individuelle, et n'en auront jamais, puisque telle est leur race, et telle commande leur gène. Ces gens vont exploiter ce qu'ils vont percevoir comme une faiblesse, qui pour nous, en fait, est une source de force, mais qui pour eux est une source de faiblesse, à savoir l'incapacité que nous avons, qui est flagrante, à nous organiser en groupe. Ceux-là, ils vont retourner le système contre nous, notamment au plan institutionnel. Et nous voyons la puissance absolument phénoménale de masse qui ne génère aucun génie, mais qui, en groupe, tels des criquets ou des insectes, utilisent les leviers à leur disposition, que très stupidement nous leur offrons, pour harceler, pour neutraliser la civilisation européenne, les Européens qui veulent s'opposer à l'invasion. Et là, je dis très clairement, nous ne pouvons pas résister à cette invasion, à cette agression, à cette destruction de l'Europe par des moyens qui sont exclusivement réservés aux Européens et qui ne peuvent être compris que par des Européens. C'est impossible. Les Algériens, les Maghrébins, les Nègres nous le disent tous les jours. Les seuls moyens qu'ils comprennent dans une discussion, entre guillemets, c'est la violence. C'est pas moi qui le dis, c'est même pas moi qui le souhaite. C'est eux qui nous le disent. Donc je pense qu'il faut tirer un certain nombre de conclusions. Et c'est pourquoi, en fait, c'est la démocratie. En fait, la question de la démocratie aujourd'hui n'est pas posée par les blancs à des blancs. La question de la démocratie se pose parce que des nègres, des musulmans, l'utilisent contre les blancs pour détruire la civilisation occidentale. Et c'est là que je dis stop. C'est là que je dis stop. C'est pas une question d'être contre la démocratie en tant que telle. Je ne rentrerai même pas dans ce débat-là. Je veux dire qu'un débat qui est totalement légitime, je rentrerai même pas là-dedans. Mais je dis, aujourd'hui, factuellement, et tout le monde peut le constater, ce débat est tronqué dans la mesure où l'ennemi s'en sert contre nous. Et jadis, pendant très longtemps, le débat la démocratie contre la démocratie, ça, était un débat entre blancs, de sensibilité philosophique, religieuse, ça. Mais ce n'est plus le débat aujourd'hui. Nous avons des gens qui veulent nous détruire, qui l'utilisent contre nous, et on doit arrêter ce cirque tout de suite. Donc, la démocratie, oui, mais exclusivement pour les blancs.